Veuillez écouter maintenant l'importante déclaration de Monsieur François Morel. Nicolas, je te remercie de me donner la parole avec cet esprit d'enthousiaste camaraderie qui t'anime. T'anime, je n'ai pas dit t'habite car je ne veux pas tenter le diable. Je voulais ce matin féliciter le pape François de ne pas avoir accepté la démission du cardinal Barbarin et de n'avoir pas suivi la clameur si malfaisante de cette horde d'incrédules qui n'ont de cesse que de vouloir discréditer l'Église et ses serviteurs. Je rejoins ce bon abbé de la Morandée de la paroisse de LCI-BFM qui tient des propos si miséricordieux sur la question de la sexualité. On a toujours l'impression, dit-il, qu'un viol, c'est de la violence. C'est tellement juste, l'abbé. Souvent, le viol est décrié, dénigré, vilipendé. Le viol, et on s'en étonne à l'épiscopat, est souvent vu de façon arbitraire à l'aune de sa brutalité supposée. Alors que le viol est d'abord un acte d'amour. Il est l'expression de l'intérêt que l'on porte à l'autre, un désir de partage, je dirais même de communion, de fusion des corps visant à une alliance des esprits. Je ne voudrais pas entrer dans les détails scabreux dont se délectent si volontiers nos adversaires, mais une fellation, une sodomie ou un simple toucher rectal ne sont souvent que rappels, certes vifs, certes physiques, certes énergiques et radicaux, du premier précepte de l'Église « Aimez-vous les uns les autres ». D'après les échos que j'ai eus, poursuit l'abbé de la Morandée de la paroisse de Match TV Paris 1ère et Direct 8, l'enfant cherche spontanément de la tendresse d'un homme ou d'une femme. L'abbé de la Morandée a des échos. On ne sait pas d'où, mais il a des échos. Et il n'hésite pas à relayer ces échos, des échos venus de personnes qui, elles-mêmes sans doute, ont côtoyé l'enfant. L'enfant, parfois pervers, parfois tentateur, qui, de lui-même, sans forcément penser à mal, porte des maillots de corps ajourés et des bermudas bien au-dessus des genoux. L'abbé fait bien de préciser que l'enfant recherche la tendresse d'un homme ou d'une femme, car il n'y a pas de raison que la femme, hélas, moins porté sur le viol que l'homme, reste cependant à l'abri des odieuses accusations. En rajoutant la femme dans le débat, l'abbé de la Morandée l'ouvre, l'élève et l'élargit. Vous avez tous observé qu'un enfant, il vient, il vous embrasse sur la bouche, note encore l'abbé de la Morandée, observateur de la paroisse de l'Académie des Neufs. Je ne saurais trop encourager l'abbé à bien vouloir communiquer mon 06 aux parents de ses enfants qu'il me plairait d'introduire dans les camps scouts dont j'ai la charge chaque été. J'ai regretté que l'abbé soit revenu sur ses propos à la suite de critiques qui lui ont été faites, parfois même au sein de l'Église, puisque l'archevêque de Paris lui-même les a fermement condamnés, manquant de cet esprit de confraternité, de solidarité, d'esprit de corps, qui en revanche n'a jamais fait défaut au cardinal Barbarin. Revenons à quelques principes simples. Ne déprécions pas systématiquement le viol. Ne calomnions pas obligatoirement le violeur, homme souvent respectable qui a fait ses dévotions. Mais continuons à condamner l'usage du préservatif.